بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On entame aujourd'hui, inshallah ta'ala, le deuxième cours dans l'explication du chapitre du jeûne tiré du livre Ar-Risalah de l'imam Ibn Abi Zayd Al-Qayrawani rahimahullah ta'ala. On avait vu lors du cours précédent la divergence des ulama concernant le début du mois de Ramadan, le nombre de témoins, le nombre de personnes qui assistent, qui voient le croissant lunaire annonçant le début du mois. Qui se rappelle de la divergence ? Ou de... Non, on va rester sur la divergence. Qui se rappelle des différents avis ? La vie le plus juste. Deux témoins. Et donc, la vie le plus juste, selon l'imam Malik, le fait qu'il y ait deux témoins. Deux témoins. Hein ? Ça, c'est la vie le plus juste. Et après, il y avait l'autre avis, c'était Shafi et Ahmed, une personne. Shafi et Ahmed, une personne. Et Abu Hanifa ? Abu Hanifa disait que c'est une personne ou deux personnes voient, normalement tout le monde voit. Donc on accepte que si tout le monde voit, que s'il y a un grand nombre de personnes qui voient le croissant lunaire. Tayyib, on avait dit donc l'avis le plus juste, c'est qu'il y a deux témoins. Il y a un frère qui m'a appelé pendant la semaine et qui m'a dit « Oui, mais il y a un hadith où un compagnon a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a vu le croissant lunaire et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam salam alaykoum et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc déclaré que on devait jeûner. Et donc dans ce hadith, il y a une personne. Une personne a annoncé au prophète qu'il a vu le croissant lunaire. Est-ce que cette preuve est acceptable ou pas ? C'est un avis qui est connu. Comme on a dit tout à l'heure, c'est l'avis de l'imam Ahmed et Shafi'i. Il se base sur ce hadith. En fait, l'imam Malik ou les savants malikites et ceux qui les ont suivis, ils répondent à cela en disant que ce compagnon qui a annoncé au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il a vu, il nous raconte ce qu'il a vu. Mais il est aussi possible qu'il y ait d'autres compagnons qui aient vu la lune et qui aient annoncé ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ensuite le prophète il a annoncé qu'on allait jeûner. Et donc ici, on a un hadith où il y a plusieurs possibilités. C'est possible qu'il y ait d'autres personnes qui aient vu ou pas. Et on a un autre hadith qui est clair. « Fa'in shahida shahidan » Si deux témoins assistent. Est-ce qu'on va délaisser un hadith qui est clair pour un hadith qui n'est pas clair ? Non. Et donc nous sommes obligés d'interpréter le hadith qui n'est pas clair avec la compréhension du hadith qui est clair. Tout simplement. Tout simplement. Voilà pourquoi la vie, le plus juste, est qu'il faut deux témoins. On avait vu quoi comme sujet encore ? Oui. Que c'était le préférable pour unir la communauté musulmane, que c'est préférable que donc on se base sur une vision pour unir la communauté si possible. On avait abordé aussi donc le sujet donc le jour du doute. Le jour du doute. Si le ciel est couvert, on ne voit pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit jeûner le lendemain ou on ne jeûne pas? On jeûne le lendemain. C'est ce que j'avais dit. La vie le plus en complète. Voilà, donc ça ne sera pas le lendemain qu'on va jeûner, mais le surlendemain. D'accord? Et donc ça, c'est la vie le plus juste. Et ça, c'est la vie de qui? Ahmed. Cette fois-ci, tout seul. Ça, c'est la vie de l'imam Ahmed. C'était quoi la cause de la divergence? Je vous ai dit, dans le fiqh, il faut prendre des notes. Sinon, après, tu oublies Ahmed ou Hanifa, tu commences à te mélanger comme ça. Hein? C'était quoi la cause de la divergence? C'était la compréhension du mot Qadara. Parce que le mot Qadara, dans certaines significations du mot, ce qui est voulu par là, c'est le fait de restreindre. Et donc le prophète qui a dit, si le ciel est couvert, faqduru lahu. Alors, il a utilisé le verbe Qadara. Alors, certains ont compris que ce qui est voulu par là, c'est le fait de restreindre le mois. Et donc, on va restreindre le mois. Le mois, il est à 29 jours. On le garde à 29 jours. On ne rajoute pas de jours. Donc, demain, on jeûne. Mais il y a une autre narration qui va expliquer cela. Et l'autre narration, elle nous cite que ce qui est voulu par là, c'est le fait de compléter le mois. Donc, et de rajouter un autre jour, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit clairement. Et donc, la langue arabe est une langue qui est riche. Un mot peut avoir plusieurs significations. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il nous explique clairement ce qui nous est demandé et comment adorer notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, il dit وَيُبَيِّتُ السِّيَامَ فِي أَوَّلِهِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْبَيَاتُ فِي بَقِيَّتِهِ. Ça veut dire quoi, يُبَيِّتُ السِّيَامَ? يُبَيِّتُ السِّيَامَ. Il y a des arabophones ici. Il y a siyam déjà. Hein? Al-niyya. Barakallahu fik. Et donc, يُبَيِّتُ السِّيَامَ, ce qui est voulu par là, c'est le fait d'avoir l'intention de jeûner au début du mois. Et donc, il nous dit que la personne doit avoir l'intention de jeûner au début du mois, c'est-à-dire avant le début du mois. Et il n'a pas besoin de renouveler son intention par la suite du mois. Il n'a pas besoin de renouveler son intention dans la suite du mois. Ça, donc, c'est l'avis de l'imam Malik et de l'imam Ahmed. Ils voient qu'une fois la niya elle est prise, une fois que la niya elle est prise en début du mois, cela suffit pour tout le reste du mois. Pourquoi? Parce qu'ils disent c'est Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala qui nous dit Faman shahida minkum shahra falyasumhu. Celui d'entre vous qui atteste, qui assiste au mois, alors qu'il le jeûne. Et donc c'est toute une adoration tout le mois de Ramadan. Ça, c'est l'avis donc de Malik et de Ahmed. Al-Shafi'i et Abu Hanifa, eux, ils voient qu'il est obligatoire de renouveler son intention chaque nuit. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est comme la salat. On a 5 salats par jour. Tu ne vas pas en début de ta journée avoir l'intention de faire 5 prières et tu n'as pas besoin de renouveler pour chaque prière. Non, il faut renouveler pour chaque prière. Parce qu'à chaque fois, il y a une rupture. Tu as prié le Fajr. Quand tu as fini de prier le Fajr, il y a un certain moment avant d'arriver à Dhuhr. Et là, pour Dhuhr, tu remets ton intention de prier Dhuhr. Ainsi de suite pour Asr, Maghreb, Isha. À chaque fois, tu as changé ton intention. Et donc, la vie la plus juste, ici, Inch'Allah Ta'ala, ça va être encore une fois donc, la vie de l'imam Malik et l'imam Ahmed. Une niya suffit. À condition, attention, parce que ça, c'est important de le préciser, que cette intention qui est prise en début du mois est suffisante s'il n'y a pas de rupture pendant le mois. Parce qu'il se peut que la personne elle ait pris l'intention de jeûner tout le mois. Et au milieu du mois, on lui dit, tiens, viens en voyage à tel et tel endroit, en voyage en Guadeloupe. La personne fait un voyage. Pendant le voyage, on lui dit, viens, on nous a servi un bon plat, on est voyageur. Pendant le voyage, tu peux rompre ton jeûne, etc., etc., etc. Si la personne donc a l'intention de rompre son jeûne durant ce voyage ou si elle tombe malade, etc., à ce moment-là, il est impératif qu'elle donc renouvelle son intention de jeûner dès qu'elle en a la capacité, bidillahi ta'ala. Ensuite, il nous dit l'auteur, wa yutimmu siyama ila al-layl. Et ensuite, la personne donc continue de jeûner jusqu'à la nuit. On a vu que le jeûne, c'est jusqu'à la nuit. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit dans son livre, thumma atimmu siyama ila al-layl. Puis complétez le jeûne jusqu'à la nuit. Jusqu'à la nuit, c'est quand? C'est quand jusqu'à la nuit? C'est quand jusqu'à la nuit? Est-ce qu'on doit jeûner jusqu'à la moitié de la nuit? Jusqu'au début de la nuit, à la fin de la nuit? Jusqu'à quand on doit jeûner en fait? Jusqu'au Maghreb. C'est le coucher du soleil. Elle est où ta preuve? Allah dans le Coran, il nous dit jusqu'à la nuit. La tombée de la nuit, hein? Parce que le Maghreb, le soleil est couché. Et donc pour toi, la nuit, c'est jusqu'à la tombée de la nuit. Ah. Alors les frères, ça fait combien d'années qu'on jeûne quand même? On sait quand même à quel moment s'arrête le jeûne. Au Maghreb, quelle est ta preuve? Un hadith. Les frères, depuis que je suis en Martinique, il y a plusieurs personnes qui sont déjà venues me voir pour me parler d'un sujet qui est étonnant. Un sujet qui est très très étonnant. La sunna, on n'a pas besoin de la sunna, ou c'est bon, le Coran ça suffit, ou la sunna c'est faible, etc., etc., etc., etc. Les frères, barakallahu fikoum, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui combattent l'islam. Beaucoup de personnes non musulmanes, je parle, qui combattent l'islam. Et qui vont propager des ambiguïtés concernant l'islam que des musulmans vont avaler. Et que ces ambiguïtés, ce sont des ambiguïtés pourquoi? Pour les faire sortir de l'islam sans qu'ils s'en aperçoivent. Petit à petit, wa alaykoum salam wa barakatou. Et parmi ces ambiguïtés, il y a quoi? On n'a pas besoin de la sunna. On n'a pas besoin de la sunna. Alors là, dans ce texte-là, Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Complétez le jeûne jusqu'à la nuit. » Je défie tout le monde de me trouver une preuve, si ce n'est dans la sunna, que la nuit, c'est le maghrib. Aujourd'hui, si les musulmans, ils jeûnent jusqu'au maghrib, il se base sur la sunna. La sunna, elle est obligatoire. Si tu n'as pas la sunna, tu ne peux pas comprendre le Coran. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous dit « Wa aqimus salat wa atuz zakat » Accomplissez la prière, acquittez-vous de l'aumône. Comment tu fais pour savoir comment tu pries? Allez, hâte. Comment tu fais pour prier si tu n'as pas la sunna? Pour savoir que le dhuhr c'est 30 rak'at, le asr c'est 30 rak'at, etc., etc. Tu as besoin de la sunna, c'est obligatoire. Comment tu fais pour savoir la zakat, c'est quel pourcentage que tu dois donner, c'est à partir de quand, c'est combien de fois dans l'année, etc. Tout ça c'est dans la sunna. Le jeûne, lorsque tu vas jeûner chaque année, tu jeûnes chaque année en te basant sur la sunna. Chaque année. Que tu le veuilles ou non, tu veux jeûner, tu vas te baser sur la sunna. Tu vas commencer au Fajr jusqu'au Maghrib, c'est la Sunna. Tu ne vas pas trouver dans le Coran du Fajr jusqu'au Maghrib. Il a l'ail. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, il a l'ail. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa Sunna, il nous explique ce qui est voulu ici. Comme dans Sahihayn, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit « Iza adbara al-laylu min ha-huna » ou « Iza adbara al-naharu min ha-huna » ou « Aqbala al-laylu min ha-huna » faqad aftara al-sa'im » et dans une narration « Wa gharabati shamsu faqad aftara al-sa'im » il dit sallallahu alayhi wa sallam « Lorsque la journée se tourne, la journée s'en va dans tel sens et que la nuit vient de telle direction et que le soleil donc s'est caché ou que le soleil donc s'est couché, alors là aftar as-sa'im, et donc c'est la sunna qui explique le Coran. Il est impératif au chef car si on veut comprendre correctement le Coran, on a besoin de la sunna. Tu ne peux pas délaisser la sunna comme ça. Si tu délaisses la sunna, tu vas délaisser la salat, tu vas délaisser la zakat, tu vas délaisser le siyam, tu vas délaisser le hajj. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous a rendu obligatoire le hajj. Quand tu vas faire les rites du hajj, de la umrah, tu te bases sur quoi? C'est sur la sunna. Et donc c'est important, barakallahu fikoum mes frères, qu'on ne laisse pas les gens mettre des ambiguïtés comme ça dans notre tête, on n'a pas besoin de sunna. Non, tu as besoin de la sunna. Tu veux comprendre le Coran, tu as besoin de la sunna. Ensuite, il nous dit l'auteur, rahimahullah, wa min as-sunnati ta'jilul fitri wa ta'khir as-suhur. Et il fait partie de la sunna le fait de précipiter la rupture du jeûne, donc de rompre le jeûne rapidement, et le fait de retarder donc as-suhur. As-suhur, c'est quoi? Hein? Le repas. Non. Le repas avant le lever du soleil? Non, pas le lever, avant l'aube. Le repas avant l'aube. As-suhur, le repas avant l'aube. C'est un repas qu'on prend durant la période du sahur. As-sahur, c'est le dernier moment de la nuit avant. Donc, le Fajr. Pourquoi ce moment a été appelé As-Sahur? Elle est belle, la langue arabe. Pourquoi ce moment a été appelé As-Sahur Sinhara? Et pourquoi est-ce que le Sihir, il a été appelé Sihir Sinhara? Le Sihir, la sorcellerie, c'est quelque chose dont ses causes sont inconnues, ne sont pas visibles, ne sont pas apparentes. Une personne à qui on fait de la sorcellerie, elle va agir d'une certaine façon, les causes ne sont pas apparentes, on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que la personne, elle agit, elle se comporte comme ça? Et donc c'est quelque chose qui est caché. As-sahur, c'est un moment où les gens, les adorateurs sont cachés. Les gens sont en train de dormir, ils sont en train de ronfler, ils sont sous la couette. Et il y en a, ils se lèvent au dernier moment de la nuit, ils vont prier « waqt as-sahur ». Ils prient le dernier tiers de la nuit. Les gens ne savent pas qu'ils sont en train de prier. Tu es chez toi, tu t'es levé en milieu de la nuit. Personne ne sait ici dans la mosquée que tel et tel jour, tu étais levé dans le dernier tiers de la nuit en train de prier. Les gens ne savent pas. « Waqt as-sahur ». Même chose pour ce repas qui est pris au dernier moment de la nuit. Les frères, ce repas est une sunna. On est d'accord, c'est une sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit inna bilalan yu'adhdhinu bilaylin. Certes, Bilal, il fait l'adhan durant la nuit. Fakulu washrabu hatta yu'adhdhina Ibn Ummi Maktoum. Alors mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Ummi Maktoum fasse le Eden. Ibn Ummi Maktoum, il fait l'Eden au moment du Fajr. Et donc on peut manger et boire jusqu'au moment du Fajr. Allah tabaraka wa ta'ala dans son livre, il nous dit fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-ashd min al-khayt al-aswad min al-fajr. Alors mangez et buvez jusqu'à ce que vous apparaisse clairement donc l'apparition du fajr. Et donc on comprend quoi de ça? On comprend qu'il y a un élément, quelque chose qui a été inventé dans les calendriers musulmans qu'on voit chaque année, qui s'appelle El Imsaku, et que c'est une bid'a, une innovation. On nous dit Fajr, c'est à l'heure. Il faut que tu arrêtes de manger une heure avant. Pourquoi? Ihtiyatan. C'est mieux, c'est plus sûr. Taïb. Et donc là, c'est des hommes, ils nous disent ça. Le prophète, il nous dit, mangez, buvez. Jusqu'à ce que Bilal, jusqu'à ce que Ibn Ummi Maktoum fasse le Eden. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit, mangez, buvez. Jusqu'à ce que nous apparaisse clairement le Fajr. On écoute Allah. On écoute le prophète, ou alors on écoute les hommes. Alors, la réponse, en écoutant les prophètes. Et donc, il faut faire attention, barakallahu fikoum. Il y a des gens comme ça, ils viennent à chaque fois. On ne va pas remettre les intentions en cause. Peut-être que la personne a une bonne intention. On ne va pas remettre l'intention en cause. Ce n'est pas ça qui est voulu. Ce qui est voulu, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète, Allah nous a montré clairement dans son livre et par la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, clairement la voie à suivre. Comment jeûner, comment faire? Quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Jazakallah khair, on n'a pas besoin. Allah nous a déjà expliqué, alhamdoulilah, yakfina, c'est bon. Et donc ça, c'est un point important. Et le cheikh, il nous dit ici minas sunnati. Et donc c'est ça la sunna. Ensuite, il continue et il nous dit Wa'in Masha'Allah, le temps passe vite. Wa'in shakka fil fajri fala ya'kul. Et s'il doute du début du fajr, alors il ne mange pas. S'il doute, ça veut dire que tu te réveilles un peu tard. Quand tu t'es réveillé, bon, vu qu'aujourd'hui les gens ne savent plus regarder, c'est quoi les signes qui montrent les heures des prières, etc. Alors qu'en Martinique, c'est quand même facile en Martinique. En Martinique, mashallah, des fois on a une facilité. En France, va regarder de l'œil nu à l'œil nu, va regarder le fajr. C'est très difficile en France. Très difficile. En Martinique, mashallah. Mais le problème, c'est qu'on est tellement habitué avec ces téléphones, les frères. Ces téléphones-là, ils nous affaiblissent. Tout à l'heure, je donnais un exemple à un frère, parce que le frère, il m'a dit, quand on a une facilité, on aime bien l'apprendre. Alors, je lui donne un exemple. Je lui ai dit, combien de numéros de téléphone on mémorisait avant? Avant, on en mémorisait plein. Aujourd'hui, c'est fini aujourd'hui. Avec ces téléphones-là, si tu mémorises un numéro, le tien déjà, mashallah. C'est bien. On ne mémorise plus les numéros des gens aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout est enregistré dans le téléphone. On n'a plus besoin de mémoriser. On ne fait plus travailler le cerveau. Même chose pour les adresses. GPS. Tac, tac, tac. Parfois, on a besoin d'activer le GPS plusieurs fois pour la même adresse avant de connaître le chemin pour y aller. Tout ça parce que sur tout ton voyage, sur la route, au lieu de regarder la route, tu es sur ton GPS. Et même chose pour les horaires de prière. Les gens ne savent même plus c'est quoi les horaires de prière. Et donc aujourd'hui, tu te réveilles. Tu te réveilles, tu prends ton téléphone. Ah, plus de batterie. Je mange ou je ne mange pas. Je ne sais pas si c'est Fajr. J'entends le coq. En plein ramadan. Il n'y a plus de batterie sur ton téléphone, t'entends le coq. ou toi t'en les poules. Ça veut dire que soit le Fajr est arrivé, soit il est bientôt arrivé. Tu fais quoi? Tu manges ou tu ne manges pas? Tu te dis, attends, je mange et après je mets la batterie. Tu fais quoi? Est-ce qu'il est permis de manger dans cette situation? Tu doutes, tu te dis, oui, là, je suis sûr, le Fajr, on est proche. Mais est-ce qu'il est rentré ou pas? Allahu alam, je doute. Le madhhab de l'imam Malik, tu ne manges pas. Le madhhab de l'imam Malik, rahimahullah, si tu manges, tu dois rattraper ton jour. Ça, c'est le madhhab de l'imam Malik, rahimahullah. Les autres madhhab, ils sont tous d'accord sur le fait que tu peux manger jusqu'à ce que tu sois sûr que c'est Fajr. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala nous dit hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Jusqu'à ce qu'il apparaisse clairement l'entrée du Fajr. Alors, quelle est la vie le plus juste, les frères? Le premier, Imam Malik. On mange. La règle, c'est al-yaqin ou qabl al-shak. On reste sur la base. La base, c'est que le Fajr n'est pas rentré. Le Fajr n'est pas rentré tant que tu n'es pas sûr qu'il est rentré. À partir du moment où tu es sûr qu'il est rentré, là, c'est bon, tu n'as plus le droit de manger. D'accord? Et donc maintenant, tu es dans une période de doute, tu ne sais pas si c'est Fajr ou si ce n'est pas encore Fajr, etc. Tu peux manger. Et ensuite, allez, tu as mangé, tu as pris ton téléphone, le temps de charger la batterie un petit peu. Là, tu as pris le téléphone, ah mince, Fajr il est rentré il y a 10 minutes. Est-ce que tu dois rattraper? Non. Selon le madhhab de l'imam Malik, tu dois rattraper. C'est le seul madhhab qui dit que tu dois rattraper. Les autres, non. Par contre, il y a quelques divergences chez les autres. L'imam Ahmed, par exemple, il voit que tu n'as pas le droit d'avoir de rapport. Tu n'as pas le droit d'avoir de rapport. Et Shafi'i, tu peux manger, boire, avoir des rapports tant que tu n'es pas sûr et certain que c'est Fajr. L'imam Ahmed, tu n'as pas le droit d'avoir des rapports. L'imam Abu Hanifa, c'est détestable. Mais les trois, Shafi'i, Ahmed, Abu Hanifa, ils sont tous d'accord sur le fait que tant que tu n'es pas sûr donc que Fajr a commencé, tu peux manger et boire. Ils sont tous d'accord là-dessus. Que la journée, donc que ta période de jeûne n'a pas commencé. Regardez la différence entre cette divergence qu'il y a entre les ulémas et le imsak. Que les gens nous ont inventé des années plus tard. Les ulémas, ils sont en train de diverger sur un sujet. Est-ce que Fajr, il est rentré ou pas? Il se peut qu'il soit rentré. Et quelques années plus tard, il y a des gens qui viennent avec quelque chose. El imsak. Quand est-ce que ça a existé dans la législation? Ça n'a pas existé. Pourquoi est-ce qu'on veut dire aux gens, c'est là qu'il faut arrêter? Mais non, subhanallah. La personne a besoin de prendre de la force pour jeûner toute la journée. Elle a besoin de boire. Laisse-la boire. Laisse-la boire. Dans certains pays, il fait chaud. Dans certains pays, les journées sont longues. Laisse la personne se préparer correctement pour son jeûne. Pourquoi tu veux la priver, lui rajouter une heure de plus? Notre religion, c'est une facilité. Il faut arrêter de mettre des difficultés. Il faut arrêter de mettre des difficultés. Alors, ensuite, l'auteur, il nous dit « Wala yusamu yawm al-shak » liyahtat bihi min Ramadan. Et on ne doit pas jeûner le jour du doute. On ne doit pas jeûner le jour du doute afin d'être sûr par rapport à Ramadan. On a déjà vu le jour du doute. Le jour du doute, c'est quel jour? Hein? Le combien Sha'ban? 29. Et donc c'est le jour du doute. Ça va être le 30e. Pourquoi? C'est le jour où, quand on est arrivé au 29, on n'a pas vu donc le croissant lunaire annonçant le début du Ramadan. Et donc le lendemain, c'est le jour du doute. Ce jour-là, il est interdit de le jeûner. Il est interdit de le jeûner. Dans Sunan Abi Daoud, un des tabi'in qui nous dit « Kunna inda Ammar fil yawmi alladhi yushakku fi » Nous étions auprès de Ammar. Ammar, le compagnon du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, le jour du doute. Fa'ata bishat. Il est venu, donc, avec de la nourriture pour manger, Ammar. Fa'tanaha ba'du al-qawm. Alors, certains se sont écartés. Alors là, il a dit Ammar, man sama hadha al-yawm faqad asa Aba al-Qasim. Celui qui jeûne ce jour a désobéi à Aboul Qasim. C'est qui Aboul Qasim? Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc il est interdit de jeûner le jour du doute. Celui qui veut jeûner le jour du doute pour être... Il se dit, bon, les gens n'ont pas vu la lune, mais on ne sait jamais, allez, je vais jeûner. C'est interdit. C'est interdit de jeûner ce jour. Et donc ça c'est important. Ensuite un dernier sujet, et c'est là qu'on va s'arrêter Inch'Allah pour ne pas faire trop long. Aboul Qasim, ça ne fait pas partie des sujets du cours, hein. Mais c'est juste parce qu'on m'en a parlé un peu avant le cours. Je me suis dit, tiens, en plus de ça aujourd'hui on va parler de Aboul Qasim, pourquoi pas aborder ce sujet, hein? Non, ça c'est autre chose. Là, je parle de celui qui veut jeûner. Ça va venir, ça. L'auteur, il en a parlé après. Ça va venir. Et donc, Aboul Qasim, comme on a vu tout à l'heure, c'est la kunya du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Un frère est venu me voir tout à l'heure. Il m'a dit donc, est-ce que c'est permis de s'appeler Mohammed? Parce que apparemment, il y a un cheikh qui a dit que on ne peut pas s'appeler Mohammed parce qu'à chaque fois on va dire sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc., etc. Et c'est là que je rappelle les frères, inna hadha al-amra dinun. Ce sujet est un sujet de religion. Et donc c'est important qu'on fasse attention de qui on prend notre religion. C'est un sujet de paradis ou enfer. Un cheikh qui nous dit qu'on ne peut pas appeler des gens Mohammed, etc., etc. Il y a un gros problème. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, qui nous dit « Sammu bi ismi, tasammu bi ismi, wa la takannu bi kunyati. » Vous pouvez vous donner comme nom le mien, c'est quoi son nom, Mohammed, mais ne vous donnez pas comme kunya, ma kunya, Aboul Qasim. Pourquoi? Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ils ne l'appelaient pas Mohammed. Les gens qui l'appelaient Mohammed, en général, c'était les Bédouins. Mais ses compagnons ne l'appelaient pas Mohammed. Ils l'appelaient soit Rasulullah, soit Ya Abul Qasim. Et donc, il dit aux gens, ne vous appelez pas Aboul Qasim. Parce que, pourquoi? Parce que lorsqu'ils marchent et que des gens s'appellent entre eux, Aboul Qasim, ils se retournent. Parce qu'ils pensent qu'on l'appelle lui. Alors il a dit à ses compagnons, vous pouvez vous appeler par mon nom, mais ne vous appelez pas par ma kunya, Aboul Qasim. Et donc à partir de là, il n'y a aucun mal à s'appeler Mohammed. Et d'ailleurs, justement, par rapport à cette divergence, est-ce qu'on peut s'appeler Aboul Qasim? Il y a une divergence entre les compagnons. Est-ce que cette interdiction, elle est révolue après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Oui, l'avis le plus juste, c'est que c'est révolue après sa mort. Après sa mort, il y a plein de ulémas qui sont appelés Aboul Qasim. D'ailleurs, par rapport au nom Mohammed, il y a plein de ulémas qui s'appellent Mohammed. Mohammed ibn Idris al-Shafi'i. Mohammed ibn Ismail al-Bukhari. Le livre le plus authentique après le livre d'Allah, on ne connaît pas le nom de son auteur, Mohammed. Après, on va dire, on ne peut pas dire aux gens de s'appeler Mohammed. Et j'en passe. Et donc, c'est important, barakallahu fikoum, les frères, qu'on fasse attention. C'est un sujet religieux. il faut qu'on fasse attention de qui on prend. Je sais que Google, encore une fois, c'est la facilité, mais parfois, Google peut nous amener loin, très loin de la réponse. On va arrêter là, inshallah ta'ala. Wa faqallahu jami'a lima yuhibbu wa yarda wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Ishaq. C'est bon, il n'y a pas de stress aujourd'hui.